Chapitre 33e. Une certaine timidité se faisait voir dans le sourire et l'accent, mais on y sentait la volonté d'être hardi et d'accepter franchement la situation. Au premier coup, et par un simple mot, Mademoiselle de la Morlaix renouait la chaîne interrompue des relations. Elle acceptait bravement la responsabilité du souvenir évoqué, et s'il y avait contre le visiteur des sentiments d'hostilité dans le château, à coup sûr, elle ne les partageait pas. Toutes ces réflexions traversaient l'esprit d'Henri, tandis qu'il suivait Léopoldine silencieusement. Elle glissait plus qu'elle ne marchait. Tout en elle respirait l'aisance et la franchise. Elle avait les mouvements libres, le pas léger, la taille souple, un port de tête naturel. Ce n'étaient pas les mêmes grâces qui l'avaient séduit dans une autre circonstance, mais elles avaient un charme plus intime et coulait de source. Quelque chose vous disait que c'était une honnête personne qui marchait dans ces vastes pièces, et que cette personne avait le cœur obligeant et fier. À l'extrémité d'une galerie, Léopoldine posa la main sur un bouton et se retourna. Les yeux d'Henri et les siens se rencontrèrent. Le regard inquiet de la jeune fille, le sourire contenu de sa bouche, la rougeur qui colorait ses joues, le trouble aimable de sa physionomie, tout faisait voir clairement qu'elle entreprenait quelque chose de téméraire. « Cette porte qui est devant moi, semblait-elle dire, c'est un Rubicon que je vais franchir pour vous. » Elle la poussa tout à coup et ils entrèrent du même pas dans un salon au milieu duquel plusieurs personnes se trouvaient réunies, celles-ci debout, d'autres assises. Léopoldine marcha droit vers la cheminée et d'une voix assurée, s'adressant à Madame de la Morlaix, « Ma mère, dit-elle, voici Monsieur le marquis de Carlepont qui vient de se présenter au château et qui sollicite l'honneur de vous saluer. Il vous rend un peu tard la visite que nous lui avons faite autrefois, mais il espère que vous lui pardonnerez. » Le visage de Madame de la Morlaix prit une expression de sévérité et de mécontentement, mais l'adoucissant presque aussitôt avec l'aisance d'une femme du monde. « J'ai reçu un jour l'hospitalité chez vous, monsieur. La mienne vous est acquise, » dit-elle à Henri. Madame de la Morlaix lui désigna un fauteuil du geste. Il s'assit. « Vous êtes seul ? » reprit-elle alors. « Seul. » Elle respira comme une personne que la crainte oppressait et qu'il a perdue. « Vous ne restez à dîner ? » reprit-elle à l'instant. Puis, comme s'il se fût repenti de son abandon, elle rentra subitement dans sa réserve et se renferma dans les banalités d'une conversation à laquelle chacun pouvait prendre part. Cette froideur ne pouvait échapper à la compagnie répandue dans le salon et l'accueil que Henri en reçut s'en ressentit. Seule Léopoldine resta avec lui aisée et libre. Elle avait sur le visage un air de détermination qui en augmentait la franchise et lui communiquait une expression plus attrayante. Madame de la Morlaix fronça légèrement le sourcil en la regardant, mais soudain, Henri tirant de sa poche un papier. « Ce n'est pas seulement le désir de vous présenter mes respects, reprit-il, qui m'a conduit chez vous, madame. J'avais pour vous une commission que je tenais à remplir personnellement. Une commission, et pour moi. En voici la preuve. » Un peu surprise, Madame de la Morlaix ouvrit la lettre que lui présentait le jeune homme. « Monsieur de l'Orgeril, s'écria-t-elle aussitôt, vous l'avez connu ou l'avez-vous rencontré ? Lisez, madame, reprit Henri qui devint sérieux. On fit un grand silence dans le salon. Quelques personnes s'éloignèrent discrètement, d'autres se groupèrent dans l'embrasure des fenêtres. Léopoldine s'accouda au fauteuil de sa mère. « Ainsi, vous l'avez secouru, vous l'avez protégé, vous l'avez sauvé ?» dit tout à coup Madame de la Morlaix d'une voix qui n'était déjà plus la même. « Hélas, madame, continuez !» répondit Henri d'une voix grave. « Quoi ? » fit-elle. « Est-ce que... » « Cependant, jusqu'au bout... » C'est son écriture. Ses yeux cherchèrent à la dernière page. Elle changea de visage et la lettre glissa de ses mains. Léopoldine la ramassa et la parcourut rapidement. Ah, pauvre Gaston, dit-elle tout à coup. C'était le cri de l'amitié seulement. Henri ne s'y trompa point. Des larmes coulaient sur les joues de Léopoldine qui ne les retenait pas. Mort ? Et si loin de nous qu'il aimions ? Dit-elle. Madame de la Morlaix, qui pleurait aussi, tendit la main à Henri. « Grâce à vous, monsieur, poursuivit-elle, aucun soin ne lui a manqué. Tout ce qu'on a pu lui faire pour adoucir ces derniers instants, vous l'avez fait. Mon cœur vous en remercie. Eh, madame, qui n'eût agi comme nous en pareille circonstance. Mais si vous croyez ne devoir quelque reconnaissance pour une action si simple, monsieur de Carlepont, mon père, seul la mérite. Eh bien, monsieur, vous voudriez bien porter à monsieur le duc de Carlepont l'expression sincère de ma gratitude. » reprit Madame de la Morlaix avec un visible effort. À présent, veuillez me pardonner la glace de mon accueil et vous considérer ici comme chez vous. Vous y resterez quelque temps et nous causerons de monsieur de Lorgeril. Hélas, qui m'eût dit, quand je le voyais si jeune et si gai, que lui aussi mourrait de mort violente dans un désert. Le regard de Henri venait de glisser du côté de Léopoldine. L'expression de chagrin qu'on voyait sur son visage lui parut adoucie. Elle souriait dans ses larmes. Le visage de madame de la Morlaix s'était détendu. Elle fit signe à Sounod de se rapprocher. « J'ai lu dans la lettre de ce malheureux Gaston, dit-elle, le nom de l'un de vos amis, le plus cher, je crois, celui de Gilbert de Lanta. Il est ici. Monsieur de Bléré, notre voisin, nous l'a prêté. Je ne croyais pas Poncarlet si près de Maingris. Une douzaine de lieues à peu près sépare les deux châteaux, mais dans ces solitudes, ce n'est rien. Et monsieur de Bléré vous a-t-il rendu visite une fois ou deux? Je ne suis ici que par accident. Vous n'ignorez pas que notre résidence habituelle est en Touraine. Des affaires d'intérêt, mais surtout le besoin de me rapprocher d'une personne qui m'est chère, m'a conduit à Maingris. J'ai y appelé une assez nombreuse compagnie pour que le séjour en fût agréable à ma fille. « Je m'habitue au pays, » dit Léopoldine. « Gilbert, dans les occasions qu'il a eues de causer avec vous, madame, ne vous a donc jamais parlé de monsieur de Lorgeril ?»« Jamais. Et maintenant, je ne m'explique pas ce grand silence. » Peut-être a-t-il pensé qu'ayant été seul chargé de vous remettre la lettre que vous venez de lire, j'avais seule mission de vous tout dire. Peut-être. Madame de la Morlaix ramena la conversation sur monsieur de Lorgeril. Elle voulut connaître par le menu toutes les particularités qui avaient marqué leur rencontre dans le Caucase et demanda que tout lui fût raconté dans les moindres détails. Le souvenir qu'il avait conservé de ses bontés la toucha vivement. Elle s'abandonna à la pente de l'entretien qui remuait son cœur et fit voir qu'elle l'avait tendre et bon et tout plein des meilleurs sentiments avec une nuance de tristesse que rien n'effaçait. Malgré son sourire, le sien était beau et frais, ses yeux en gardaient l'empreinte. « À mon âge, dit-elle, on regarde en arrière. On ne remplace plus ce qui s'en va. Monsieur de Lorgeril tenait une place dans ma vie. Le fond chez lui valait mieux que la surface. Il l'a bien prouvé en mourant. Mais il appartenait à cette race d'hommes inquiets que le moindre souffle agite. Il a passé à côté du bonheur sans le voir. De nouveau, ses yeux se remplirent de larmes. La seule chose bonne, reprit-elle, c'est qu'il ne laisse pas de vide derrière lui. On sait des morts qui font de la vie d'autrui, des trous noirs. Que rien ne comble plus. Sa voix avait pris des sons d'une gravité profonde et plaintive, quelque chose d'intime tressaillait en elle. Léopoldine se pencha subitement sur son épaule et l'embrassa. Les deux mains de madame de la Morlaix se nouèrent autour de son cou et lui rendant son baiser. « Que Dieu t'épargne, ma fille, » dit-elle. Ce fut tout, mais ce fut assez pour éveiller la sympathie dans le cœur de Henri. Il fit un mouvement comme pour prendre la main de madame de la Morlaix et la porter à ses lèvres. Elle s'en aperçut et la lui donnant. « J'ai pleuré devant vous, monsieur. Vous n'êtes plus un étranger pour moi, et cependant. » Elle se tut. Henri, qui ne la perdait pas des yeux, attendait. Léopoldine ne respirait plus. Madame de la Morlaix passa un mouchoir sur son visage et se remettant. « Ma fille va donner des ordres pour qu'une chambre soit préparée, » reprit-elle. « Vous accepterez notre hospitalité au nom de monsieur de Lorgeril ?» Henri se leva. « Oui, je l'accepterai, » pensa-t-il. « Je l'accepterai pour percer ce secret qui est entre nous, et je ne sortirai d'ici que lorsque j'en serai le maître. » Gilbert revint dans la soirée, et dès le premier pas qu'il fit dans le salon, il aperçut Henri. Un grand trouble parut sur sa physionomie animée encore par l'ardeur de la course, mais l'attirant à l'écart, et avec cette brusque résolution qui était dans ses habitudes, « Tu as vu mademoiselle de la Morlaix ?» « Tu lui as parlé ?» dit-il. « Oui. » « Et ce que tu pensais autrefois quand nous dormions côte à côte dans les montagnes du Caucase, tu le penses toujours ?»« Toujours. Et à présent que je la connais plus profondément encore, c'était un amour de pressentiment. C'est aujourd'hui un amour d'élection. Tu as reçu ma lettre, n'est-ce pas ? C'est ta lettre qui m'a fait partir. » « Alors, bataille !» Les traits de Gilbert prirent une expression de farouche opiniâtreté. « Je t'ai dit que je l'aimais, » reprit-il. « Je l'aime comme un fou, et chaque jour davantage. Cet amour est passé dans mon sang. Il fait partie de mon être, il me tient, me possède, et celle qui l'inspire, je ne la céderai jamais. »« Non, pas bataille alors, » répondit Henri, « mais lutte loyale, et que le plus heureux tende la main à l'autre. »« Ah, tu vaux mieux que moi. » s'écria Gilbert qui secoua la tête. « Il me semble que si tu l'emportais, je te haïrais. » Il passa violemment la main sur son front pâle. « Ah, pourquoi M. de Carlepont ne m'a-t-il pas laissé dans cette lande où il m'a ramassé » reprit-il. « Le louveteau y serait mort de faim et de misère. Il n'aurait pas été exposé à déchirer la main qui l'a nourri. » « Gilbert, que dis-tu là ? » s'écria son ami. « Je dis ce que je pense. Je me hais d'être ainsi, mais il m'est impossible d'être autrement. Et mon plus mortel ennemi à présent, c'est toi. » Henri voulait répondre, mais presque aussitôt Gilbert, l'écartant de la main, s'éloigna et disparut. La compagnie réunie au château de Maingry était nombreuse et brillante. On y voyait des fils de famille qui y partageaient les privilèges du nom, de la fortune, de la position. Quelques-uns plus favorisés les réunissaient tous. Il est clair que la plupart pensaient à Mademoiselle de la Morlaix. La saison qui toucha à sa fin les engageait à plus d'empressement. Chacun de ces jeunes faucons voulait emporter la proie autour de laquelle il battait de l'aile. Mais la chose ne paraissait point aisée. Madame de la Morlaix ne se hâtait pas de faire un choix, et Léopoldine vivait avec une grande liberté d'esprit et une rare aisance au milieu de cette cour. Pendant la nuit qui suivit leur rencontre sous le toit de Maingry, Henri et Gilbert ne dormirent pas plus l'un que l'autre. Qu'il était loin le temps où tout leur était commun. Les paroles du jeune compagnon de son enfance retentissaient toujours aux oreilles de Henri. Un tel langage, et dans la bouche de celui qu'il avait porté sur son dos jusqu'à l'épuisement. Il était impossible que des paroles si violentes sortissent du cœur. Si M. de Lantal les avait dites dans un moment de colère, il serait le premier à en répudier le souvenir. Vers le matin, et comme il se promenait à l'écart dans le parc, pensant à cette première explosion, Henri vit tout à coup Gilbert qui marchait d'un pas fiévreux sous les arbres. Un élan porta celui-ci à sa rencontre. « Écoute, » lui dit-il brusquement, et d'un air où quelque chose de la colère de la veille restait encore. « Nous pouvons quelques jours nous exécrer, provisoirement. Je dois te mettre au courant des choses. On ne s'endort pas ici, mais on ne veille pas assez. Quelques mots d'un bon vieux notaire qui m'a pris en amitié, je ne sais pas pourquoi, me donne à penser que Madame de la Morlaix ne quittera pas le pays sans avoir engagé sa parole. Donc, à la rescousse, m'a-t-il dit en jetant sa main droite en l'air, avec le geste d'un preux qui met flamberge au vent. Le bonhomme affectionne ses façons de parler chevaleresques. Je l'ai remercié de son avis et l'ai cligné de l'œil d'un air malin. J'ai là un allié, et j'en userai à l'occasion, car je t'avertis que je mettrai tout en œuvre pour l'emporter sur mes rivaux parmi lesquels je te range. La fortune de Mademoiselle de la Morlaix est considérable, mais sa mère a le cœur assez grand pour ne pas regarder dans la poche d'un gendre. Cependant, pour égaliser les chances, je mets à ta disposition la moitié de ce que j'ai, et c'est quelque chose. » Tout en parlant, la voix de Gilbert s'était adoucie. Une sorte de gaieté attendrie se faisait jour dans sa physionomie. Henri lui prit la main d'un air de confiance. « Tu auras beau faire, tu ne parviendras jamais à me traiter en ennemi. On verra bien. En attendant, acceptes-tu ? Non. Tu as tort, et ta délicatesse n'a pas le sens commun. Il est écrit dans les livres mystérieux du destin que je ne parviendrai jamais à me ruiner. Et Dieu sait pourtant quel furieux coup de dent j'ai donné à mon héritage. Mais il s'est trouvé qu'un placement dont un ami a eu l'idée, une nuit de bal masqué, a décuplé ce qui me restait. Le reste va à l'avenant, mes prodigalités m'enrichissent. Tant mieux. Qui diable sait ? Elles me mèneront peut-être à des folies plus sérieuses. Cela dit, je reprends le fil de mon discours. Tu as pour toi l'éloignement que Madame de la Morlaix a de tout temps laissé voir contre ceux qui portent ton nom. Comme rien de ce qu'on sait ne le justifie, cela fait couler vers l'objet de son aversion les sympathies de la fille. Est-ce logique ? Très logique, répondit Henri en souriant. De plus, Léopoldine m'harcelait de questions à ton sujet, avec cette fine rouerie des femmes les plus innocentes qui, à propos de Sésostris ou du Kamtchatka, ont l'art de ramener l'entretien sur le point qu'elles veulent éclaircir. J'ai eu la faiblesse de répondre comme elle semblait le désirer. Tu vois que je ne te cache rien. Je crois même y avoir mis un entrain et un élan qui m'ont valu un sourire dont mon pauvre cœur a été ébloui. Ce sourire, je le crains, passait par-dessus ma tête. Tu le vois, tu t'y prends encore, mon pauvre Capulet. Eh, Montaigu du diable, on a de vieilles habitudes, mais elles passeront. Maintenant, j'ai pour moi trois choses. Ma persévérance, mon audace, une obstination que rien ne fera céder. Car ne t'y trompe pas, si ma parole est gaie, ma détermination est sérieuse. Je le sais, je le sens, dit Henri. Ou je n'ai pas fini. Ceci vient de moi. Après tout, et par-dessus tout, J'ai une auxiliaire dont il est bon que je te parle. » Gilbert parut se recueillir un instant, puis, reprenant la parole, « Il y a dans les relations les plus intimes et les plus secrètes de Madame de la Morlaix, dit-il, une personne qui se montre rarement au château, que je n'ai vue qu'une fois, et devant qui chacun se lève et se découvre. Elle vit dans une retraite austère, répand l'aumône autour d'elle, et marche environnée de respect. Figure-toi une personne grande, couleur de cire, avec des cheveux tout blancs. On dirait qu'elle vient de quitter un tombeau pour entrer dans la vie. Elle est toujours vêtue de noir, ses longues mains diaphanes nouées autour d'un rosaire, et le visage encadré dans des coiffes blanches. Elle a grand air, et des yeux qui sont pleins de flammes. Je ne sais pas son nom. On l'appelle Mère Angélique de la Pitié. Le jour où je l'ai rencontrée, elle était sur le bord d'un sentier, tenant serré autour de sa robe deux ou trois petites filles, dont la mère pleurait auprès d'une vache qui se mourait dans un fossé. « Le bon Dieu vous viendra en aide, tout n'est pas perdu, » disait-elle. Tout en parlant, elle fouillait dans ses poches. Elle fit un mouvement et parut toute attristée de n'y plus rien trouver. Je m'approchai et lui présentai ma bourse. Elle la prit sans hésiter et la versant dans le giron des petites filles. « Merci, » me dit-elle. Peu d'heures après, je retrouvai la mère Angélique de la Pitié à Maingris. « Eh bien ?» fit Henri en voyant que Gilbert se taisait. « Attends, c'est ici que le bruit de l'histoire commence. » Il y a même un point qui n'est pas encore éclairci. En m'apercevant, Madame de la Morlaix m'a nommé à la mère Angélique. Celle-ci apparut surprise et m'a regardé. Monsieur Gilbert de Lanta, a-t-elle répété lentement comme une personne qui rappelle ses souvenirs. J'ai connu Monsieur le Comte de Lanta, votre père. Il était bon gentilhomme et a bravement servi le roi. Ce que vous avez fait tout à l'heure m'a donné bonne opinion de vous. Si jamais vous avez besoin d'une personne qui vous soit tout dévouée, comptez sur moi. Je me suis incliné. Madame de la Morlaix, un peu surprise, nous regardait l'un et l'autre. Mademoiselle de la Morlaix est entrée. Mère Angélique, devant qui elle se courbait, l'a embrassée sur le front. Il m'a semblé voir Madame de Maintenon accueillant une fille noble dans sa maison de Saint-Cyr. Léopoldine a réclamé mon bras pour je ne sais quel service, et comme je m'éloignais, Mère Angélique m'a rappelé. « Quel âge pouvez-vous avoir ? » m'a-t-elle demandé. « 25 ans. »« 25 ans. » a-t-elle repris. Elle a soupiré, et il m'a semblé que ses lèvres pâles tremblaient un peu. Puis, nous saluant de la main, « Allez, » nous a-t-elle dit, et son regard m'a suivi longtemps. « Et tu ne l'as plus revue ? » Une seconde fois, elle m'est apparue, elle était à pied, et suivait le convoi d'un pauvre. « Et tu ne sais rien d'elle ? » ?»« Rien. » Quand j'ai questionné les gens de la campagne, on s'est borné à me répondre que c'était une sainte. « Et Madame de la Morlaix ? » ?»« Elle n'en parle jamais. » J'ai pu voir seulement que l'influence de la mère Angélique de la Pitié était toute puissante à Maingris. Un soir, Madame de la Morlaix causait avec sa fille d'une personne qui sollicitait l'honneur de lui être présentée. Éteint dans le monde, alliance, fortune, tout plaidait pour elle. Arrive un billet. « Question jugée, » dit Madame de la Morlaix, « la mère Angélique ne le conseille pas. » On ne dit plus un mot. Qui aura la mère Angélique pour lui aura Mademoiselle de la Morlaix. Comprends-tu ? Cette personne habite-t-elle loin d'ici ? Elle a fixé sa résidence dans une espèce de vieux manoir dont les hautes murailles grises s'élèvent au bord d'un étang. On connaît cette maison sous le nom de la Maison Noire. Elle y vit seule avec deux serviteurs. Une fois par semaine, le dimanche, la foule des pauvres envahit la cour de la maison. Elle leur distribue d'abondantes aumônes. Pendant la semaine, elle fait des visites aux malheureux. Le reste de son temps appartient à la prière. Une catastrophe va certainement passer par là. Mademoiselle de la Morlaix, sa filleule, est-ce tout ? Tout. Mademoiselle de la Morlaix parut en ce moment dans la cour, à cheval, entourée de 7 ou 8 cavaliers. Gilbert saisit le bras d'Henri. « Voici l'ennemi, en guerre à présent » s'écria-t-il. Henri passa une grande partie de la soirée à écrire à monsieur le duc de Carlepont. « Venez, » disait-il en finissant, « je sens que c'est à Maingris, que le roman de ma vie doit avoir son dénouement. »